Quand arrive l'été, la morte saison entraîne une liquidation partielle du personnel du Bonheur des Dames. Et, à cause d'un inspecteur dont elle avait repoussé les avances, Denise est elle-même renvoyée, malgré l'irritation que ce renvoi déclenche chez Mouret. Denise trouve alors à se loger chez Bourrat, qui tient à proximité du Bonheur des Dames un petit commerce de cannes et parapluies.